Et voilà, merci beaucoup Yvonne, vraiment. C'était vraiment très très intéressant. Maintenant, on va maintenant passer la parole à Doris qui est là présente sur place pour présenter sa capsule et nous faire écouter qu'est-ce qu'elle a fabriqué hier. Qu'est-ce que t'as fait hier? Vas-y Doris. Coucou, je m'appelle Doris. Pendant 5 jours, dans cette capsule, je vais interviewer des artistes qui se produisent sur la scène d'Archipel. Et je les interview plutôt sur leur rapport à leur instrument et à la musique. Voilà. Épisode 1. Ouais, c'est là où c'est en fait à moi de lancer la capsule. Attention, c'est parti. C'est normal, le blanc était pas... Ouais, ok, c'est normal. Bonjour Tom. Oui. Moi je m'appelle Doris, je fais partie de la radio. Okay. Et du coup c'était juste pour échanger quelques mots avec vous par rapport à tout ce qu'on vous a vu il y a quelques minutes sur scène. Ouais. Et vous faites partie d'un ensemble? Ouais, de l'ensemble Lictus. D'accord, ça va. Qui est un ensemble? Un ensemble de musique contemporaine de Belgique. Ouais, ok, de Bruxelles. Ça va. Et vous jouez quel instrument? Moi, je suis percussionniste et chef d'orchestre et plein d'autres choses. Mais ici, ce soir, c'était percussionniste. Là, j'avais un set de micro-percussions. Donc, c'est un instrument que j'ai construit avec des micro-versions des instruments de percussion qu'on amplifie très, très fort. Et donc, avec des petits moyens, on a un monde percussif assez vaste. Et puis, avec les pièces de Jesse Cox, c'est une installation avec des cordes qui étaient branchées avec des autres instruments qui faisaient des résonances avec le tambour de la chanteuse et avec les cloches dans la salle. Donc j'étais un peu installatif aussi. D'accord. Et donc vous construisez vous-même vos instruments? Oui, oui, toujours. Ça vous prend beaucoup de temps de construire? Oui. Ah, ouais. C'est chouette aussi de construire son instrument. Ouais. Ok, ça va. Et donc les cordes étaient reliées à d'autres instruments? Oui, au tambour ici, okay, avec la chanteuse qui chantait dedans. Et donc on était liés avec la résonance des deux instruments en fait. Donc moi je faisais l'archet sur les cordes et elle chantait dans le tambour. Et ça faisait des interférences entre les deux. Et ça fait longtemps que vous faites de la musique? Oui, ça fait longtemps. Depuis que j'ai 9 ans, donc ça fait 33 ans. Ouais. Et est-ce que vous jouez aussi tout seul ou vous jouez seulement dans un festival? Je fais tout. J'ai aussi un festival, donc je suis programmateur. Et donc je fais un peu tout et c'est ma longue vie de faire beaucoup de choses l'un à côté de l'autre. Et vous trouvez ça plus simple de faire de la musique tout seul ou en ensemble? Je préfère l'ensemble parce qu'on est porté par le groupe. Mmh. Ouais. Donc aussi, la façon dont je construis mon instrument, c'est vraiment à moi. Et c'est vraiment personnel et c'est unique aussi. Donc il n'y a personne qui a un set comme moi. Et ça me plaît beaucoup parce que c'est moi qui fais mon instrument et la musique avec les compositeurs que je travaille. Donc c'est vraiment un processus co-créatif, si tu veux, collaboratif. Ah oui, parce que vous avez récupéré plein de morceaux d'autres instruments et vous les avez assemblés. Donc en fait, elle est voilà. Donc, cassée, mais reconstruite, recyclée avec plein d'autres instruments. Aussi, mais c'est des objets qui ont des qualités sonores intéressantes parce qu'ils sont imparfaits. Ok, voilà. Merci beaucoup. De rien. Et courage pour la suite. Merci. D'accord, alors salut, je suis flûtiste et je suis flûtiste contre-champ. C'est quoi votre nom? Suzanne, je m'appelle Suzanne. D'accord. Et j'aime bien la musique contemporaine, je fais toujours la musique contemporaine, j'aime bien. Il y en a plein des sons assez cool à découvrir à la flûte en fait, qui ne sont pas les sons que flûte normale et qui m'intéressent beaucoup à l'instrument. Et vous faites quoi comme flûte? Flûte traversière, mais toutes les flûtes, alors du piccolo jusqu'à alto et flûte basse, tous les flûtes en fait, toutes les tailles. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient aussi de l'électronique qui se rajoutait à leur instrument. Vous, c'est le cas? On était tout amplifié. Oui. Alors moi, j'ai eu le micro juste à côté de ma bouche. Oui. Mais il n'y avait pas d'électronique, mais en fait, il n'y en avait pas beaucoup ce soir pour les instruments, mais quelquefois, ça arrive aussi. D'accord. Et ça fait longtemps que vous faites de la flûte? Ouais, j'ai commencé quand j'avais 6 ans. Alors oui, c'est presque 30 ans là. D'accord. Et est-ce que vous faites aussi de votre instrument toute seule ou vous faites seulement... Ça dépend. Quelquefois je fais aussi des solos ou plus... Ouais, musique de chambre comme là aussi. On a fait le trio. je fais pas beaucoup des concerts en solo. J'aime plus la combinaison avec les autres instruments, en fait, qui m'intéresse beaucoup aussi. Et donc, vous préférez quand c'est un groupe ou alors quand vous êtes seul? Ah, je préfère les groupes, ça m'intéresse vraiment, ouais. Où est-ce que vous répétez votre travail? Est-ce que c'est chez vous, vous avez un studio? Ouais, j'ai eu de la chance, en fait, j'ai des voisins assez sympas, je pense, ou je sais pas. Mais en fait, je travaille à la maison, je travaille dans ma salle de séjour. Même si c'est le piccolo, ça n'a jamais dérangé personne. Ça marche très bien, j'ai eu de la chance. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est sympa. Merci. Trop bien. Merci Doris. Ouais, t'es en train de dessiner pendant ce temps. Crier. Super. Trop merci. Bah, du coup, on se réjouit de te retrouver demain. C'est ça? À demain. Yes, à demain. Ciao, ciao.